Y'en a qui sont en colère, ils nagent d'heure chez les gros bouchers. Au matin, ils ont un cœur de braie, quand ils s'en vont au marc. Ils n'en leur vêtent chez les affiches, qu'on a mis sur les côtés. Pour rompre une ou vingt dolbiche, comme du slétan du vieux Bodev. Vous pouvez vous n'assurer, y'aura plus tant de gens malades. Pour Michetten, vous passez chez F. Bonheur de Louvrier. Avec les marqués d'acheteurs, je n'ai plus comme le temps passé. Les experts passent à bonne heure pour visiter un qualité. Sans reste, le donne des étiquettes. Si on le malheur d'y toucher, on les envoie une petite lettre pour apprendre à connaître les frais. Vous pouvez vous en assurer, il n'y aura plus tant de gens malades. Pour Michetten, vous passez chez F. Bonheur de Louvrier. Avec chez pièces étiquettes, on ne peut plus être attrapé. C'est vos F qualité de liette, au paravent de la KT. Vous connaissez les prix Gilles, atteint du que c'est affiché. Chez l'Amna, c'est quoi, je vous l'assure, pour le bonheur de Louvrier. Vous pouvez vous n'assurer, il n'y aura plus tant de gens malades. Pour Michetten, vous passez chez F. Bonheur de Louvrier. Vous se rappelez bien l'étalage qui fait jote à la maison. On veille aux des morceaux de viande aussi noirs que du poumon. Découpé sur une grande table pour 20 à des malheureux. Quelques faux en même temps à plage, ils se rinalotent tous ceux. Vous pouvez vous n'assurer, y'a la putain que j'ai malade. Pour Michetten, vous passez chez F. Bonheur de Louvrier. À la connaissance du monde, je crois que vous le connaissez comme mi. On veut vos démorciers de viande qui se promenotent dans les boucheries. On ramasse au et à partir. Quand ils venons un malheureux, on crie au v'là pour six sous. Vous pouvez manger plus d'à deux. Vous pouvez vous n'assurer, y'aura plus tant de gens malades. Pour Michetten, vous passez chez F. Bonheur de Louvrier. Y'a vos ch'tos des morceaux tièdes, découpés dans un placio. Je lâchais tôt les plus honnêtes, y muchote ultivio. Chine qui vous rindo malade, un faux que vous avez mangé. Vous m'achiez à faire des grimaces et vous avez le corps dérangé. Vous pouvez vous l'une assurer, y'aura plus tant de chats malades. Pour Michetten, pour passer chez le bonheur de l'ouvrier.